Ah ben quand je suis arrivé dans l'atelier, ce sont les plus anciens, par exemple mon frère ou d'autres, qui nous montraient, on commençait à coller des coins pour monter des moules, vous Ah savez. Vous connaissez, vous oui, avez un vu peu, ça, oui. commencer à coller des coins. Et puis alors après, il y a des éclisses, on arrive à monter un moule. Et puis après, on vous faisait tracer une pièce pour tâcher de, hein, pour que ça tournait. C'est ça, Oui. Et puis oui. c'était pas marrant, vous savez, pour un gosse de ménage. Puis c'était pénible, on travaillait à 7 h du matin. J'ai vu des fois l'hiver, ma mère m'appelait à 6 h 30, elle préparait le café. Et puis il faisait froid, il faisait nuit naturellement, puisqu'il fait nuit, il allait jusqu'à 8 h, 8 h 30. Oh, il y a des fois j'avais du mal de me lever, elle m'appelait 3 fois.